Cinquième lettre. Suite de l'histoire de la grand-tante de l'abbé de Bucquois. C'était l'esprit du temps, où la lecture des poètes italiens faisait régner encore, dans les provinces surtout, un platonisme digne de celui de Pétrarque. On voit des traces de ce genre d'esprit dans le style de la belle pénitente à qui nous devons ses confessions. Cependant, le jour étant venu, la corbinière sortit un peu tard par la grande salle. Le comte, qui s'était levé de bonne heure, l'aperçut sans pouvoir être sûr au juste qu'il sortît de chez sa fille, mais le soupçonnant très fort. Ce pourquoi, ajoute la demoiselle, mon très cher papa resta ce jour-là très mélancolique et ne faisait autre que de parler avec maman. Pourtant, l'on ne me dit rien du tout. Le troisième jour, le comte était obligé de se rendre aux funérailles de son beau-frère, Manicamp. Il se fit suivre de la corbinière, ainsi que d'un fils, d'un palefrenier et de deux laquais. Et se trouvant au milieu de la forêt de Compiègne, il s'approcha tout à coup de l'amoureux, lui tira par surprise l'épée du baudrier, et lui mettant le pistolet sur la gorge, dit au laquais « Ôtez les éperons à ce traître, et vous, en allez un peu devant. » Interruption. Je ne voudrais pas imiter ici le procédé des narrateurs de Constantinople ou des conteurs du Caire, qui, par un artifice vieux comme le monde, suspendent une narration à l'endroit le plus intéressant, afin que la foule revienne le lendemain au même café. L'histoire de l'abbé Bucquois existe. Je finirai par la trouver. Seulement, je m'étonne que dans une ville comme Paris, centre des Lumières, et dont les bibliothèques publiques contiennent 2 millions de livres, on ne puisse rencontrer un livre français que j'ai pu lire à Francfort et que j'avais négligé d'acheter. Tout disparaît peu à peu grâce au système de prêt des livres, aussi parce que la race des collectionneurs littéraires et artistiques ne s'est pas renouvelée depuis la Révolution. Tous les livres curieux volés, achetés ou perdus se retrouvent en Hollande, en Allemagne et en Russie. Je crains un long voyage dans cette saison et je me contente de faire encore des recherches dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris. J'ai appris que la poste de Senlis avait mis 17 heures pour vous transmettre une lettre qui, en 3 heures, pouvait être rendue à Paris. Je pense que cela ne tient pas à ce que je sois mal vu dans ce pays où j'ai été élevé. Mais voici un détail curieux. Il y a quelques semaines, je commençais déjà à faire le plan du travail que vous voulez bien publier, et je faisais quelques recherches préparatoires sur les Bucquois, dont le nom a toujours résonné dans mon esprit comme un souvenir d'enfance. Je me trouvais à Senlis avec un ami breton, très grand et à la barbe noire. Arrivé de bonne heure par le chemin de fer, qui s'arrête à Saint-Mexan, et ensuite par un omnibus qui traverse les bois en suivant la vieille route de Flandre, nous eûmes l'imprudence d'entrer au café le plus apparent de la ville, pour nous y réconforter. Ce café était plein de gendarmes dans l'état gracieux, qui, après le service, leur permet de prendre quelques divertissements. Les uns jouaient au domino, les autres au billard. Ces militaires s'étonnèrent sans doute de nos façons et de nos barbes parisiennes, mais ils n'en manifestèrent rien ce soir-là. Le lendemain, nous déjeunions à l'hôtel, excellent de la truite, qui file, je vous prie de croire que je n'invente rien, lorsqu'un brigadier vint nous demander très poliment nos passeports. Pardon de ces minces détails, mais cela peut intéresser tout le monde. Nous lui répondîmes à la manière dont un certain soldat répondit à la maréchaussée, selon une chanson de ce pays même, j'ai été bercé avec cette chanson. On lui a demandé « Où est votre congé ?»« Le congé que j'ai pris, il est sous mes souliers. » La réponse est jolie, mais le refrain est terrible. « Spiritus sanctus cognam bonus », ce qui indique suffisamment que le soldat n'a pas bien fini. Notre affaire a eu un dénouement moins grave. Aussi avions-nous répondu très honnêtement qu'on ne prenait pas d'ordinaire de passeport pour visiter la grande banlieue de Paris. Le brigadier avait salué sans faire d'observation. Nous avions parlé à l'hôtel d'un dessein vague d'aller à Ermenonville. Puis, le temps étant devenu mauvais, l'idée a changé, et nous sommes allés retenir nos places à la voiture de Chantilly, qui nous rapprochait de Paris. Au moment de partir, nous voyons arriver un commissaire orné de 2 gendarmes qui nous dit « Vos papiers !» Nous répétons ce que nous avions déjà dit. « Eh bien, messieurs, dit ce fonctionnaire, vous êtes en état d'arrestation. » Mon ami le breton fonçait le sourcil, ce qui aggravait notre situation. Je lui ai dit « Calme-toi, je suis presque un diplomate. J'ai vu de près, à l'étranger, des rois, des pachas et même des padishas, et je sais comment on parle aux autorités. »« Monsieur le commissaire, dis-je alors, parce qu'il faut toujours donner leur titre aux personnes, j'ai fait 3 voyages en Angleterre, et l'on ne m'a jamais demandé de passeport, que pour me conférer le droit de sortir de France. Je reviens d'Allemagne où j'ai traversé 10 pays souverains, y compris la Hesse. On ne m'a pas même demandé mon passeport en Prusse. Eh bien, je vous le demande en France. Vous savez que les malfaiteurs ont toujours des papiers en règle. Pas toujours. » Je m'inclinais. J'ai vécu 7 ans dans ce pays. J'ai même quelques restes de propriété. Mais vous n'avez pas de papiers ? C'est juste. Croyez-vous maintenant que des gens suspects iraient prendre un bol de punch dans un café où les gendarmes font leur partie le soir? Cela pourrait être un moyen de se déguiser mieux. Je vis que j'avais affaire à un homme d'esprit. Eh bien, monsieur le commissaire, ajoutai-je, je suis tout bonnement un écrivain. Je fais des recherches sur la famille des Buquois de Longueval, et je veux préciser la place où retrouver les ruines des châteaux qu'il possédait dans la province. Le front du commissaire s'éclaircit tout à coup. Ah, vous vous occupez de littérature? Et moi aussi, monsieur. J'ai fait des vers dans ma jeunesse. Une tragédie. Un péril succédait à un autre. Le commissaire paraissait disposé à nous inviter à dîner pour nous lire sa tragédie. Il fallut prétexter des affaires à Paris pour être autorisé à monter dans la voiture de Chantilly, dont le départ était suspendu par notre arrestation. Je n'ai pas besoin de vous dire que je continue à ne vous donner que des détails exacts sur ce qui m'arrive dans ma recherche assidue. Ceux qui ne sont pas chasseurs ne comprennent point assez la beauté des paysages d'automne. Ce moment, malgré la brume du matin, nous apercevons des tableaux dignes des grands maîtres flamands. Dans les châteaux et dans les musées, on retrouve encore l'esprit des peintres du Nord. Toujours des points de vue aux teintes roses ou bleuâtres dans le ciel, aux arbres à demi effeuillés, avec des chants dans le lointain ou sur le premier plan des scènes champêtres. Le voyage à Cythère de Watteau a été conçu dans les brumes transparentes et colorées de ce pays. C'est une Cythère calquée sur un flot de ces étangs créés par les débordements de l'Oise et de l'Aisne. Ces rivières si calmes et si paisibles en été. Le lyrisme de ces observations ne doit pas vous étonner. Fatigué des querelles vaines et des stériles agitations de Paris, je me repose en revoyant ces campagnes si vertes et si fécondes. Je reprends des forces sur cette terre maternelle. Quoi qu'on puisse dire philosophiquement, nous tenons au sol par bien des liens. On n'emporte pas les cendres de ses pères à la semelle de ses souliers. Et le plus pauvre garde quelque part un souvenir sacré qui lui rappelle ceux qui l'ont aimé. Religion ou philosophie, tout indique à l'homme ce culte éternel des souvenirs.